dit Germain un peu inquiet. Non, point laide, car cette femme te donnera d'autres enfants, et il n'y a rien de si triste que d'avoir des enfants laids, chétifs et malsains. Mais une femme encore fraîche, d'une bonne santé, et qui ne soit ni belle ni laide, ferait très bien ton affaire. Je vois bien, dit Germain en souriant un peu tristement, que, pour l'avoir telle que vous la voulez, il faudra la faire exprès, d'autant plus que vous ne la voulez point pauvre et que les riches ne sont pas faciles à obtenir, surtout pour un veuf. Et si elle était veuve elle-même, Germain? Là, une veuve sans enfant et avec un bon bien. Je n'en connais pas pour le moment dans notre paroisse. Ni moi non plus, mais il y en a ailleurs. Vous avez quelqu'un en vue, mon père? Alors dites-le tout de suite. Fin du chapitre 3. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 4 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 4. Germain, le fin laboureur. Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est une Léonard, veuve d'un Guérin, qui demeure à Fourche. Je ne connais ni la femme ni l'endroit, répondit Germain résigné, mais de plus en plus triste. Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine? Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là. Catherine. Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine, ça me la rappellera plus souvent. Je te dis que tu l'aimeras. C'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas laide fille alors. Mais elle n'est plus jeune, elle a 32 ans. Elle est d'une bonne famille, tous braves gens. Et elle a bien pour 8 ou 10 000 francs de terre qu'elle vendrait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où elle s'établirait. Car elle songe aussi à se remarier, et je sais que, si ton caractère lui convenait, elle ne trouverait pas ta position mauvaise. Vous avez donc déjà arrangé tout cela? Oui, sauf votre avis à tous les deux. Et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre, en faisant connaissance. Le père de cette femme-là est un peu mon parent, et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard. Oui, je l'ai vu vous parler dans les foires, et à la dernière, vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement? Sans doute. Il te regardait vendre tes bêtes, et il trouvait que tu t'y prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui eus dit tout ce que tu es, et comme tu te conduis bien avec nous, depuis 8 ans que nous vivons et travaillons ensemble, sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a, d'après l'honnêteté de sa famille et les bonnes affaires où je sais qu'ils sont. Je vois, père Maurice, que vous tenez un peu aux bonnes affaires. Sans doute j'y tiens. Est-ce que tu n'y tiens pas aussi? J'y tiens, si vous voulez, pour vous faire plaisir, mais vous savez que, pour ma part, je ne m'embarrasse jamais de ce qui me revient ou de ce qui ne me revient pas dans nos profits. Je ne m'entends pas à faire des partages, et ma tête n'est pas bonne pour ces choses-là. Je connais la terre, je connais les bœufs, les chevaux, les attelages, les semences, la battaison, les fourrages. Pour les moutons, la vigne, le jardinage, les menus profits et la culture fine, vous savez que ça regarde votre fils et que je ne m'en mêle pas beaucoup. Quant à l'argent, ma mémoire est courte, et j'aimerais mieux tout céder que de disputer sur le tien et le mien. Je craindrais de me tromper et de réclamer ce qui ne m'est pas dû, et si les affaires n'étaient pas simples et claires, je ne m'y retrouverais jamais. C'est tant pis, mon fils, et voilà pourquoi j'aimerais que tu eusses une femme de tête pour me remplacer quand je n'y serai plus. Tu n'as jamais voulu voir clair dans nos comptes, et ça pourrait t'amener du désagrément avec mon fils, quand vous ne m'aurez plus pour vous mettre d'accord et vous dire ce qui vous revient à chacun. Puissiez-vous vivre longtemps, père Maurice, mais ne vous inquiétez pas de ce qui sera après vous. Jamais je ne me disputerai avec votre fils. Je me fie à Jacques comme à vous-même, et comme je n'ai pas de bien à moi, que tout ce qui peut me revenir provient de votre fille et appartient à nos enfants, je peux être tranquille et vous aussi. Jacques ne voudrait pas dépouiller les enfants de sa sœur pour les siens, puisqu'il les aime quasi autant les uns que les autres. Tu as raison en cela, Germain. Jacques est un bon fils, un bon frère et un homme qui aime la vérité. Mais Jacques peut mourir avant toi, avant que vos enfants soient élevés, et il faut toujours songer dans une famille à ne pas laisser des mineurs sans un chef pour les bien conseiller et régler leurs différends. Autrement, les gens de loi s'en mêlent, les brouillent ensemble et leur font tout manger en procès. Ainsi donc, nous ne devons pas penser à mettre chez nous une personne de plus, soit homme, soit femme, sans nous dire qu'un jour, cette personne-là aura peut-être à diriger la conduite et les affaires d'une trentaine d'enfants, petits-enfants, gendres et brus. On ne sait pas combien une famille peut s'accroître, et quand la ruche est trop pleine, qu'il faut essaimer, chacun songe à emporter son miel. quand je t'ai pris pour gendre, quoique ma fille fût riche et toi pauvre, je ne lui ai pas fait reproche de t'avoir choisi. Je te voyais bon travailleur, et je savais bien que la meilleure richesse pour des gens de campagne comme nous, c'est une paire de bras et un cœur comme les tiens. Quand un homme apporte cela dans une famille, il apporte assez. Mais une femme, c'est différent. Son travail dans la maison est bon pour conserver, non pour acquérir. D'ailleurs, à présent que tu es père et que tu cherches femme, il faut songer que tes nouveaux enfants, n'ayant rien à prétendre dans l'héritage de ceux du premier lit, se trouveraient dans la misère si tu venais à mourir, à moins que ta femme n'eût quelque bien de son côté. Et puis, les enfants dont tu vas augmenter notre colonie coûteront quelque chose à nourrir. Si cela retombait sur nous seuls, nous les nourririons, bien certainement, et sans nous en plaindre. Mais le bien-être de tout le monde en serait diminué, et les premiers enfants auraient leur part de privation là-dedans. Quand les familles augmentent outre mesure sans que le bien augmente en proportion, la misère vient, quelque courage qu'on y mette. Voilà mes observations, Germain. Pèse-les, et tâche de te faire agréer à la veuve Guérin, car sa bonne conduite et ses écus apporteront ici de l'aide dans le présent et de la tranquillité pour l'avenir. C'est dit, mon père. Je vais tâcher de lui plaire et qu'elle me plaise. Pour cela, il faut la voir et aller la trouver. Dans son endroit, à Fourche, c'est loin d'ici, n'est-ce pas? Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. Quand il s'agit d'un mariage d'amour, il faut s'attendre à perdre du temps. Mais quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprices et savent ce qu'elles veulent, c'est bientôt décidé. C'est demain samedi. Tu feras ta journée de labour un peu courte, tu partiras vers les 2 heures après dîner, tu seras à Fourche à la nuit. La lune est grande dans ce moment-ci, les chemins sont bons, et il n'y a pas plus de 3 lieues de pays. C'est près de Magné. D'ailleurs, tu prendras la jument. J'aimerais autant aller à pied par ce temps frais. Oui, mais la jument est belle, et un prétendu qui arrive aussi bien monté à meilleur air. Tu mettras tes habits neufs, et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille, et tu reviendras avec un oui ou un non, lundi matin. C'est entendu, répondit tranquillement Germain. Et pourtant, il n'était pas tout à fait tranquille. Germain avait toujours vécu sagement comme vivent les paysans laborieux. Marié à 20 ans, il n'avait aimé qu'une femme dans sa vie, et, depuis son veuvage, quoiqu'il fût d'un caractère impétueux et enjoué, il n'avait ri et folâtré avec aucune autre. Il avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille, et Germain, qui s'était dévoué tout entier à l'œuvre commune, et par conséquent, à celui qui la personnifiait, au père de famille, Germain ne comprenait pas qu'il eût pu se révolter contre de bonnes raisons, contre l'intérêt de tous. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne pleurât sa femme en secret, et quoique la solitude commençât à lui peser, il était plus effrayé de former une union nouvelle que désireux de se soustraire à son chagrin. Il se disait vaguement que l'amour eût pu le consoler, en venant le surprendre, car l'amour ne console pas autrement. On ne le trouve pas quand on le cherche, il vient à nous quand nous ne l'attendons pas. Ce froid projet de mariage que lui montrait le père Maurice, cette fiancée inconnue, peut-être même tout ce bien qu'on lui disait de sa raison et de sa vertu, lui donnait à penser. Et il s'en allait, songeant, comme songent les hommes qui n'ont pas assez d'idées pour qu'elles se combattent entre elles, c'est-à-dire ne se formulant pas à lui-même de belles raisons de résistance et d'égoïsme, mais souffrant d'une douleur sourde et ne luttant pas contre un mal qu'il fallait accepter. Cependant, le père Maurice était rentré à la métairie, tandis que Germain, entre le coucher du soleil et la nuit, occupait la dernière heure du jour à fermer les brèches que les moutons avaient faites à la bordure d'un enclos voisin des bâtiments. Il relevait les tiges d'épines et les soutenait avec des mottes de terre, tandis que les griffes babillaient dans le buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Fin du chapitre 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 5 de La Mare au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La Mare au Diable de George Sand. Chapitre 5. La Guillette. Le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était venue causer avec sa femme, tout en cherchant de la braise pour allumer son feu. La mère Guillette habitait une chaumière fort pauvre à 2 portées de fusil de la ferme. Mais c'était une femme d'ordre et de volonté. Sa pauvre maison était propre et bien tenue, et ses vêtements, rapiécés avec soin, annonçaient le respect de soi-même au milieu de la détresse. « Vous êtes venu chercher le feu du soir, mère Guillette.

c'est fait, voici le lit, et quelques piqûres ne sont pas des coups de sabre, » reprit la brave petite fille. Elle procéda de nouveau au coucher du petit Pierre, qui était si bien endormi cette fois, qu'il ne s'aperçut en rien de ce nouveau voyage. Germain mit tant de bois au feu que toute la forêt en resplendit à la ronde. Mais la petite Marie n'en pouvait plus, et quoiqu'elle ne se plaignît de rien, elle ne se soutenait plus sur ses jambes. Elle était pâle, et ses dents claquaient de froid et de faiblesse. Germain la prit dans ses bras pour la réchauffer, et l'inquiétude, la compassion, des mouvements de tendresse irrésistibles s'emparant de son cœur, firent taire ses sens. Sa langue se délia comme par miracle, et toute honte cessant, « Marie, lui dit-il, tu me plais, et je suis bien malheureux de ne pas te plaire. Si tu voulais m'accepter pour ton mari, il n'y aurait ni beau-père, ni parents, ni voisins, ni conseils qui puissent m'empêcher de me donner à toi. Je sais que tu rendrais mes enfants heureux, que tu leur apprendrais à respecter le souvenir de leur mère, et ma conscience étant en repos, je pourrais contenter mon cœur. J'ai toujours eu de l'amitié pour toi, et à présent je me sens si amoureux que, si tu me demandais de faire toute ma vie tes mille volontés, je te le jurerais sur l'heure. Vois, je t'en prie, comme je t'aime, et tâche d'oublier mon âge. Pense que c'est une fausse idée qu'on se fait quand on croit qu'un homme de 30 ans est vieux. D'ailleurs, je n'ai que 28 ans. Une jeune fille craint de se faire critiquer en prenant un homme qui a 10 ou 12 ans de plus qu'elle, parce que ce n'est pas la coutume du pays. Mais j'ai entendu dire que dans d'autres pays, on ne regardait point à cela, qu'au contraire, on aimait mieux donner pour soutien à une jeunesse un homme raisonnable et d'un courage bien éprouvé qu'un jeune gars qui peut se déranger et de bon sujet qu'on le croyait, devenir un mauvais garnement. D'ailleurs, les années ne font pas toujours l'âge. Cela dépend de la force et de la santé qu'on a. Quand un homme est usé par trop de travail et de misère ou par la mauvaise conduite, il est vieux avant 25 ans. Au lieu que moi. Mais tu ne m'écoutes pas, Marie. Si fait, Germain, je vous entends bien, répondit la petite Marie. Mais je songe à ce que m'a toujours dit ma mère. C'est qu'une femme de 60 ans est bien à plaindre quand son mari en a 70 ou 75 et qu'il ne peut plus travailler pour la nourrir. Il devient infirme et il faut qu'elle le soigne à l'âge où elle commencerait elle-même à avoir grand besoin de ménagement et de repos. C'est ainsi qu'on arrive à finir sur la paille. Les parents ont raison de dire cela, j'en conviens, Marie, reprit Germain. Mais enfin, ils sacrifieraient tout le temps de la jeunesse qui est le meilleur à prévoir ce qu'on deviendra à l'âge où l'on n'est plus bon à rien et où il est indifférent de finir d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je ne suis pas dans le danger de mourir de faim sur mes vieux jours. Je suis à même d'amasser quelque chose puisque, vivant avec les parents de ma femme, je travaille beaucoup et ne dépense rien. D'ailleurs, je t'aimerai tant, vois-tu, que ça m'empêchera de vieillir. On dit que quand un homme est heureux, il se conserve, et je sens bien que je suis plus jeune que Bastien pour t'aimer, car il ne t'aime pas, lui. Il est trop bête, trop enfant pour comprendre comme tu es jolie et bonne et faite pour être recherchée. Allons, Marie, ne me déteste pas. Je ne suis pas un méchant homme. J'ai rendu ma Catherine heureuse. Elle a dit devant Dieu à son lit de mort qu'elle n'avait jamais eu de moi que du contentement, et elle m'a recommandé de me remarier. Il semble que son esprit ait parlé ce soir à son enfant, au moment où il s'est endormi. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'il disait? Et comme sa petite bouche tremblait, pendant que ses yeux regardaient en l'air quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Il voyait sa mère, sois-en sûre, et c'était elle qui lui faisait dire qu'il te voulait pour la remplacer. « Germain, répondit Marie, toute étonnée et toute pensive, vous parlez honnêtement, et tout ce que vous dites est vrai. Je suis sûre que je ferais bien de vous aimer, si ça ne mécontentait pas trop vos parents. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Le cœur ne m'en dit pas pour vous. Je vous aime bien, mais quoique votre âge ne vous en les dise pas, il me fait peur. Il me semble que vous êtes quelque chose pour moi, comme un oncle ou un parrain, que je vous dois le respect, et que vous auriez des moments où vous me traiteriez comme une petite fille plutôt que comme votre femme et votre égale. Enfin, mes camarades se moqueraient peut-être de moi, et quoique ça soit une sottise de faire attention à cela, je crois que je serais honteuse et un peu triste le jour de mes noces. Ce sont là des raisons d'enfant. Tu parles tout à fait comme un enfant, Marie. Eh bien oui, je suis un enfant, dit-elle, et c'est à cause de cela que je crains un homme trop raisonnable. Vous voyez bien que je suis trop jeune pour vous, puisque déjà vous me reprochez de parler sans raison. Je ne puis pas avoir plus de raison que mon âge n'en comporte. Hélas, mon Dieu, que je suis donc à plaindre d'être si maladroit et de dire si mal ce que je pense, s'écria Germain. Marie, Vous ne m'aimez pas, voilà le fait. Vous me trouvez trop simple et trop lourd. Si vous m'aimiez un peu, vous ne verriez pas si clairement mes défauts. Mais vous ne m'aimez pas, voilà. Eh bien, ce n'est pas ma faute, répondit-elle, un peu blessée de ce qu'il ne la tutoyait plus. J'y fais mon possible en vous écoutant, mais plus je m'y essaie et moins je peux me mettre dans la tête que nous devions être mari et femme. Germain ne répondit pas. Il mit sa tête dans ses deux mains, et il fut impossible à la petite Marie de savoir s'il pleurait, s'il boudait, ou s'il était endormi. Elle fut un peu inquiète de le voir si morne, et de ne pas deviner ce qui roulait dans son esprit. Mais elle n'osa pas lui parler davantage, et comme elle était trop étonnée de ce qui venait de se passer pour avoir envie de se rendormir, elle attendit le jour avec impatience, soignant toujours le feu, éveillant l'enfant, dont Germain paraissait ne plus se souvenir. Cependant Germain ne dormait point. Il ne réfléchissait pas à son sort, il ne faisait ni projet de courage, ni plan de séduction. Il souffrait. Il avait une montagne d'ennui sur le cœur. Il aurait voulu être mort. Tout paraissait devoir tourner mal pour lui, et s'il eût pu pleurer, il ne l'aurait pas fait à demi. Mais il y avait un peu de colère contre lui-même, mêlée à sa peine, et il l'étouffait sans pouvoir et sans vouloir se plaindre. Quand le jour fut venu et que les bruits de la campagne l'annoncèrent à Germain, il sortit son visage de ses mains et se leva. Il vit que la petite Marie n'avait pas dormi non plus, mais il ne sut rien lui dire pour marquer sa sollicitude. Il était tout à fait découragé. Il cacha de nouveau le bas de la grise dans les buissons, prit son sac sur son épaule, et tenant son fils par la main. « À présent, Marie, dit-il, nous allons tâcher d'achever notre voyage. Veux-tu que je te conduise aux ormeaux ?»« Nous sortirons du bois ensemble, lui répondit-elle, et quand nous saurons où nous sommes, nous irons chacun de notre côté. » Germain ne répondit pas. Il était blessé de ce que la jeune fille ne lui demandait pas de l'amener jusqu'aux ormeaux, et il ne s'apercevait pas qu'il le lui avait offert d'un ton qui semblait provoquer un refus. Un bûcheron qu'ils rencontrèrent au bout de 200 pas les mit dans le bon chemin et leur dit qu'après avoir passé la grande prairie, ils n'avaient qu'à prendre l'un tout droit, l'autre sur la gauche pour gagner leurs différents gîtes, qui étaient d'ailleurs si voisins qu'on voyait distinctement les maisons de Fourche de la ferme des Ormeaux et réciproquement. Puis, quand ils eurent remercié et dépassé le bûcheron, celui-ci les rappela pour leur demander s'ils n'avaient pas perdu un cheval. « J'ai trouvé, leur dit-il, une belle jument grise dans ma cour, ou peut-être le loup l'aura forcé de chercher un refuge. Mes chiens ont jappé à nuitée, et au point du jour, j'ai vu la bête chevaline sous mon hangar. Elle y est encore. Allons-y, et si vous la reconnaissez, emmenez-la. » Germain, ayant donné d'avance le signalement de la grise, et s'étant convaincu qu'il s'agissait bien d'elle, se mit en route pour aller rechercher son bât. La petite Marie lui offrit alors de conduire son enfant aux ormeaux, où il viendrait le reprendre lorsqu'il aurait fait son entrée à Fourche. « Il est un peu malpropre après la nuit que nous avons passée, » dit-elle. « Je nettoierai ses habits, je laverai son joli museau, je le peignerai, et, quand il sera beau et brave, vous pourrez le présenter à votre nouvelle famille. » « Et qui te dit que je veuille aller à Fourche ?» répondit Germain avec humeur. « Peut-être n'irai-je pas ?»« Si fait, Germain, vous devez y aller, vous irez, » reprit la jeune fille. « Tu es bien pressé que je me marie avec une autre, afin d'être sûr que je ne t'ennuierai plus ?»« Allons, Germain, ne pensez plus à cela. C'est une idée qui vous est venue dans la nuit, parce que cette mauvaise aventure avait un peu dérangé vos esprits. Mais à présent, il faut que la raison vous revienne. Je vous promets d'oublier ce que vous m'avez dit et de n'en jamais parler à personne. » »« Et parle-en, si tu veux. Je n'ai pas l'habitude de renier mes paroles. Ce que je t'ai dit était vrai, honnête, et je n'en rougirai devant personne. » »« Oui. Mais si votre femme savait qu'au moment d'arriver, vous avez pensé à une autre, ça la disposerait mal pour vous. Ainsi faites attention aux paroles que vous direz maintenant. Ne me regardez pas comme ça devant le monde avec un air tout singulier. Songez au père Maurice qui compte sur votre obéissance et qui serait bien en colère contre moi si je vous détournais de faire sa volonté. Bonjour, Germain. J'emmène Petit-Pierre afin de vous forcer d'aller à Fourche. C'est un gage que je vous garde. Tu veux donc aller avec elle ? Dit le laboureur à son fils, en voyant qu'il s'attachait aux mains de la petite Marie et qu'il la suivait résolument. « Oui, père, » répondit l'enfant qui avait écouté et compris à sa manière ce qu'on venait de dire sans méfiance devant lui. « Je m'en vais avec ma Marie mignonne. Tu viendras me chercher quand tu auras fini de te marier, mais je veux que Marie reste ma petite mère. » « Tu vois bien qu'il le veut, lui, » dit Germain à la jeune fille.

J'ai eu peur, et je me suis jetée contre Marie en criant. Alors cet homme-là a dit comme ça, « Qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cet enfant-là? Mettez-moi ça dehors !» Et il a levé son bâton pour me battre. Mais ma Marie l'a empêché, et elle lui a dit comme ça, « Nous causerons plus tard, monsieur. À présent, il faut que je conduise cet enfant-là à Fourche, et puis je reviendrai. » Et aussitôt qu'il a été sorti de la bergerie, ma Marie m'a dit comme ça, « Sauvons-nous, mon Pierre, allons-nous-en d'ici bien vite, car cet homme-là est méchant, et il ne nous ferait que du mal. » Alors nous avons passé derrière les granges, nous avons passé un petit pré, et nous avons été à Fourche pour te chercher. Mais tu n'y étais pas, et on n'a pas voulu nous laisser t'attendre. Et alors cet homme-là, qui était monté sur son cheval noir, est venu derrière nous, et nous nous sommes sauvés plus loin, et puis nous avons été nous cacher dans le bois. Et puis il y est venu aussi, et quand nous l'entendions venir, nous nous cachions. Et puis quand il avait passé, nous recommencions à courir pour nous en aller chez nous. Et puis enfin tu es venu, et tu nous as trouvés, et voilà comme tout ça est arrivé. N'est-ce pas, ma Marie, que je n'ai rien oublié ? Non, mon Pierre, et ça est la vérité. À présent, Germain, vous rendrez témoignage pour moi, et vous direz à tout le monde de chez nous que si je n'ai pas pu rester là-bas, ce n'est pas faute de courage et d'envie de travailler. Et toi, Marie, dit Germain, je te prierai de te demander à toi-même si, quand il s'agit de défendre une femme et de punir un insolent, un homme de 28 ans n'est pas trop vieux. Je voudrais un peu savoir si Bastien ou tout autre joli garçon, riche de 10 ans moins que moi, n'aurait pas été écrasé par cet homme-là, comme dit Petit Pierre. Qu'en penses-tu ? Je pense, Germain, que vous m'avez rendu un grand service et que je vous en remercierai toute ma vie. C'est là tout ? Mon petit père, dit l'enfant, je n'ai pas pensé à dire à la petite Marie ce que je t'avais promis. Je n'ai pas eu le temps, mais je le lui dirai à la maison et je le dirai aussi à ma grand-mère. Cette promesse de son enfant donna enfin à réfléchir à Germain. Il s'agissait maintenant de s'expliquer avec ses parents et, en leur disant ses griefs contre la veuve Guérin, de ne pas leur dire quelles autres idées l'avaient disposé à tant de clairvoyance et de sévérité. Quand on est heureux et fier, le courage de faire accepter son bonheur aux autres paraît facile. Mais être rebuté d'un côté, blâmé de l'autre, ne fait pas une situation fort agréable. Heureusement, le petit Pierre dormait quand ils arrivèrent à la métairie, et Germain le déposa sans l'éveiller sur son lit. Puis il entra sur toutes les explications qu'il put donner. Le père Maurice, assis sur son escabeau à 3 pieds à l'entrée de la maison, l'écouta gravement, et, quoiqu'il fût mécontent du résultat de ce voyage, lorsque Germain, en racontant le système de coquetterie de la veuve, demanda à son beau-père s'il avait le temps d'aller les 52 dimanches de l'année faire sa cour, pour risquer d'être renvoyé au bout de l'an, le beau-père répondit, en inclinant la tête en signe d'adhésion, « Tu n'as pas tort, Germain, ça ne se pouvait pas. » Et ensuite, quand Germain raconta comme quoi il avait été forcé de ramener la petite Marie au plus vite pour la soustraire aux insultes, peut-être aux violences d'un indigne maître, le père Maurice approuva encore de la tête en disant « Tu n'as pas eu tort, Germain, ça se devait. » Quand Germain eut achevé son récit et donné toutes ses raisons, le beau-père et la belle-mère firent simultanément un gros soupir de résignation en se regardant. Puis le chef de famille se leva en disant « Allons, que la volonté de Dieu soit faite. L'amitié ne se commande pas. » « Venez souper, Germain, » dit la belle-mère. « Il est malheureux que ça ne se soit pas mieux arrangé. Mais enfin, Dieu ne le voulait pas, à ce qu'il paraît. Il faudra voir ailleurs. » « Oui, » ajouta le vieillard. « Comme dit ma femme, on verra ailleurs. » Il n'y eut pas d'autre bruit à la maison. Et quand, le lendemain, le petit Pierre se leva avec les alouettes au point du jour, n'étant plus excité par les événements extraordinaires des jours précédents, il retomba dans l'apathie des petits paysans de son âge, oublia tout ce qui lui avait trotté par la tête, et ne songea plus qu'à jouer avec ses frères et à faire l'homme avec les bœufs et les chevaux. Germain essaya d'oublier aussi, en se replongeant dans le travail. Mais il devint si triste et si distrait que tout le monde le remarqua. Il ne parlait pas à la petite Marie, il ne la regardait même pas. Et pourtant, si on lui eût demandé dans quel pré elle était et par quel chemin elle avait passé, il n'était point d'heure du jour où il n'eût pu le dire s'il avait voulu répondre. Il n'avait pas osé demander à ses parents de la recueillir à la ferme pendant l'hiver, et pourtant, il savait bien qu'elle devait souffrir de la misère. Mais elle n'en souffrit pas, et la mère Guillette ne put jamais comprendre comment sa petite provision de bois ne diminuait point, et comment son hangar se trouvait rempli le matin, lorsqu'elle l'avait laissé presque vide le soir.

dit Germain. Tu me plains car tu es bonne. Tu es fâché de me rendre malheureux, mais tu ne peux pourtant pas m'aimer. Pourquoi me dites-vous de ces choses-là, Germain ? Répondit enfin la petite Marie. Vous voulez donc me faire pleurer ? Pauvre petite fille, tu as bon cœur, je le sais, mais tu ne m'aimes pas, et tu me caches ta figure parce que tu crains de me laisser voir ton déplaisir et ta répugnance. Et moi, je n'ose pas seulement te serrer la main. Dans le bois, quand mon fils dormait et que tu dormais aussi, j'ai failli t'embrasser tout doucement. Mais je serais mort de honte plutôt que de te le demander, et j'ai autant souffert dans cette nuit-là qu'un homme qui brûlerait à petit feu. Depuis ce temps-là, j'ai rêvé à toi toutes les nuits. Ah, comme je t'embrassais, Marie! Mais toi, pendant ce temps-là, tu dormais sans rêver. Et à présent, sais-tu ce que je pense? C'est que si tu te retournais pour me regarder avec les yeux que j'ai pour toi, et si tu approchais ton visage du mien, je crois que j'en tomberais mort de joie. Et toi, tu penses que si pareille chose t'arrivait, tu en mourrais de colère et de honte. » Germain parlait comme dans un rêve, sans entendre ce qu'il disait. La petite Marie tremblait toujours. Mais comme il tremblait encore davantage, il ne s'en apercevait plus. Tout à coup, elle se retourna. Elle était tout en larmes et le regardait d'un air de reproche. Le pauvre laboureur crut que c'était le dernier coup, et sans attendre son arrêt, il se leva pour partir. Mais la jeune fille l'arrêta en l'entourant de ses deux bras et cachant sa tête dans son sein. « Ah, Germain !» lui dit-elle en sanglotant. « Vous n'avez donc pas deviné que je vous aime ?» Germain serait devenu fou si son fils, qui le cherchait et qui entra dans la chaumière au grand galop sur un bâton, avec sa petite sœur en croupe qui fouettait avec une branche d'osier ce coursier imaginaire, ne l'eût rappelé à lui-même. Il le souleva dans ses bras et le mettant dans ceux de sa fiancée. « Tiens !» lui dit-il. Tu as fait plus d'un heureux en m'aimant. » Fin du chapitre 17. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 1 de l'appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoa. La mare au diable de George Sand. Appendice, chapitre 1. Les noces de campagne. Ici finit l'histoire du mariage de Germain, telle qu'il me l'a racontée lui-même, le fin laboureur qu'il est. Je te demande pardon, lecteur ami, de n'avoir pas su te la traduire mieux, car c'est une véritable traduction qu'il faut au langage antique et naïf des paysans de la contrée que je chante, comme on disait jadis. Ces gens-là parlent trop français pour nous, et depuis Rabelais et Montaigne, les progrès de la langue nous ont fait perdre bien des vieilles richesses. Il en est ainsi de tous les progrès. Il faut en prendre son parti. Mais c'est encore un plaisir d'entendre ces idiotismes pittoresques régner sur le vieux terroir du centre de la France. D'autant plus que c'est la véritable expression du caractère moqueusement tranquille et plaisamment disert des gens qui s'en servent. La Touraine a conservé un certain nombre précieux de locutions patriarcales. Mais la Touraine s'est grandement civilisée avec et depuis la Renaissance. Elle s'est couverte de châteaux, de routes, d'étrangers et de mouvements. Le Berry est resté stationnaire, et je crois qu'après la Bretagne et quelques provinces de l'extrême midi de la France, c'est le pays le plus conservé qui se puisse trouver à l'heure qu'il est. Certaines coutumes sont si étranges, si curieuses, que j'espère t'amuser encore un instant, cher lecteur, si tu permets que je te raconte en détail une noce de campagne, celle de Germain, par exemple, à laquelle j'eus le plaisir d'assister il y a quelques années. Car hélas, tout s'en va. Depuis seulement que j'existe, il s'est fait plus de mouvement dans les idées et dans les coutumes de mon village qu'il ne s'en était vu durant des siècles avant la Révolution. Déjà, la moitié des cérémonies celtiques païennes ou Moyen-Âge que j'ai vues encore en pleine vigueur dans mon enfance se sont effacées. Encore un ou deux ans peut-être, et les chemins de fer passeront leur niveau sur nos vallées profondes, emportant, avec la rapidité de la foudre, nos antiques traditions et nos merveilleuses légendes. C'était en hiver, aux environs du carnaval, époque de l'année où il est séant et convenable chez nous de faire les noces. Dans l'été, on n'a guère le temps, et les travaux d'une ferme ne peuvent souffrir 3 jours de retard, sans parler des jours complémentaires affectés à la digestion plus ou moins laborieuse de l'ivresse morale et physique que laisse une fête. J'étais assis sous le vaste manteau d'une antique cheminée de cuisine, lorsque des coups de pistolet, des hurlements de chiens et les sons aigus de la cornemuse m'annoncèrent l'approche des fiancés. Bientôt le père et la mère Maurice, Germain et la petite Marie, suivis de Jacques et de sa femme, des principaux parents respectifs et des parrains et marraines des fiancés, firent leur entrée dans la cour. La petite Marie, n'ayant pas encore reçu les cadeaux de noces, appelés livrées, était vêtue de ce qu'elle avait de mieux dans ses hardes modestes. Une robe de gros drap sombre, un fichu blanc à grands ramages de couleurs voyantes, un tablier d'incarnat, indienne rouge forte à la mode alors et dédaignée aujourd'hui, une coiffe de mousseline très blanche, et dans cette forme heureusement conservée qui rappelle la coiffure d'Anne Boleyn et d'Agnès Sorel. Elle était fraîche et souriante, point orgueilleuse du tout, quoiqu'il eût bien de quoi. Germain était grave et attendri auprès d'elle, comme le jeune Jacob saluant Rachel aux citernes de Laban. Toute autre fille eût pris un air d'importance et une tenue de triomphe, car dans tous les rangs, c'est quelque chose que d'être épousée pour ses beaux yeux. Mais les yeux de la jeune fille étaient humides et brillants d'amour. On voyait bien qu'elle était profondément éprise et qu'elle n'avait point le loisir de s'occuper de l'opinion des autres. Son petit air résolu ne l'avait point abandonnée, mais c'était toute franchise et tout bon vouloir chez elle. Rien d'impertinent dans son succès, rien de personnel dans le sentiment de sa force. Je ne vis oncle si gentil fiancé, lorsqu'elle répondait nettement à ses jeunes amis qui lui demandaient si elle était contente. « Dame, bien sûr, je ne me plains pas du bon Dieu !» Le père Maurice porta la parole. Il venait faire les compliments et invitations d'usage. Il attacha d'abord au manteau de la cheminée une branche de laurier ornée de rubans. Ceci s'appelle l'exploit, c'est-à-dire la lettre de faire part. Puis il distribua à chacun des invités une petite croix faite d'un bout de ruban bleu traversé d'un autre bout de ruban rose, le rose pour la fiancée, le bleu pour l'épouseur. Et les invités des deux sexes durent garder ce signe pour en orner les uns leur cornette, les autres leur boutonnière le jour de la noce. C'est la lettre d'admission, la carte d'entrée. Alors, le père Maurice prononça son compliment. Il invitait le maître de la maison et toute sa compagnie, c'est-à-dire tous ses enfants, tous ses parents, tous ses amis et tous ses serviteurs, à la bénédiction, au festin, à la divertissance, à la dancière et à tout ce qui en suit. Il ne manqua pas de dire « Je viens vous faire l'honneur de vous semondre ». Locution très juste, bien qu'elle nous paraisse un contresens, puisqu'elle exprime l'idée de rendre les honneurs à ceux qu'on en juge dignes. Malgré la libéralité de l'invitation portée ainsi de maison en maison dans toute la paroisse, la politesse, qui est grandement discrète chez les paysans, veut que deux personnes seulement de chaque famille en profitent. Un chef de famille sur le ménage, un de leurs enfants sur le nombre. Ces invitations faites, les fiancés et leurs parents allèrent dîner ensemble à la métairie. La petite Marie garda ses trois moutons sur le communal, et Germain travailla la terre comme si de rien n'était. La veille du jour marqué pour le mariage, vers 2 heures de l'après-midi, la musique arriva, c'est-à-dire le cornemuseux et le vielleux, avec leurs instruments ornés de longs rubans flottants et jouant une marche de circonstance sur un rythme un peu lent pour des pieds qui ne seraient pas indigènes, mais parfaitement combiné avec la nature du terrain gras et des chemins ondulés de la contrée. Des coups de pistolet, tirés par les jeunes gens et les enfants, annoncèrent le commencement de la noce. On se réunit peu à peu, et l'on dansa sur la pelouse devant la maison pour se mettre en train. Quand la nuit fut venue, on commença d'étranges préparatifs. On se sépara en deux bandes, et quand la nuit fut close, on procéda à la cérémonie des livrées. Ceci se passait au logis de la fiancée, la chaumière à la Guillette. La Guillette prit avec elle sa fille, une douzaine de jeunes et jolis pastours, amis et parentes de sa fille, 2 ou 3 respectables matrones, voisines fortes en bec, prontes à la réplique et gardiennes rigides des anciens us. Puis elle choisit une douzaine de vigoureux champions, ses parents et amis. Enfin, le vieux chanvreur de la paroisse, homme d'Isère et beau parleur s'il en fut. Le rôle que joue en Bretagne le basse-valant, le tailleur du village, c'est le broyeur de chanvre ou le cardeur de laine, deux professions souvent réunies en une seule, qui le remplit dans nos campagnes. Il est de toutes les solennités, tristes ou gaies, parce qu'il est essentiellement érudit et beau diseur, et dans ces occasions, il a toujours le soin de porter la parole pour accomplir dignement certaines formalités usitées de temps immémorial. Les professions errantes, qui introduisent l'homme au sein des familles sans lui permettre de se concentrer dans la sienne, sont propres à le rendre bavard, plaisant, conteur et chanteur. Le broyeur de chanvre est particulièrement sceptique. Lui et un autre fonctionnaire rustique dont nous parlerons tout à l'heure, le fossoyeur, sont toujours les esprits forts du lieu. Ils ont tant parlé de revenants, et ils savent si bien tous les tours dont ces malins esprits sont capables, qu'ils ne les craignent guère. C'est particulièrement la nuit que tous, fossoyeurs, chanvreurs et revenants, exercent leur industrie. C'est aussi la nuit que le chanvreur raconte ses lamentables légendes. Qu'on me permette une digression. Quand le chanvre est arrivé à point, c'est-à-dire suffisamment trempé dans les eaux courantes et à demi séché à la rive, on le rapporte dans la cour des habitations. On le place debout par petites gerbes qui, avec leurs tiges écartées du bas et leurs têtes liées en boule, ressemblent déjà passablement le soir à une longue procession de petits fantômes blancs, plantés sur leurs jambes grêles et marchant sans bruit le long des murs. C'est à la fin de septembre, quand les nuits sont encore tièdes, qu'à la pâle clarté de la lune, on commence à broyer. Dans la journée, le chanvre a été chauffé au four. On l'en retire le soir pour le broyer chaud. On se sert pour cela d'une sorte de chevalet surmonté d'un levier en bois qui, retombant sur des rainures, hache la plante sans la couper. C'est alors qu'on entend la nuit, dans les campagnes, ce bruit sec et saccadé de trois coups frappés rapidement. Puis, un silence se fait. C'est le mouvement du bras qui retire la poignée de chanvre pour la broyer sur une autre partie de sa longueur. Et les trois coups recommencent. C'est l'autre bras qui agit sur le levier, et toujours ainsi jusqu'à ce que la lune soit voilée par les premières lueurs de l'aube. Comme ce travail ne dure que quelques jours dans l'année, les chiens ne s'y habituent pas et poussent des hurlements plaintifs vers tous les points de l'horizon. C'est le temps des bruits insolites et mystérieux dans la campagne. Les grues émigrantes passent dans des régions où, en plein jour, l'œil les distingue à peine. La nuit, on les entend seulement, et ces voix rauques et gémissantes, perdues dans les nuages, semblent l'appel et l'adieu d'âmes tourmentées qui s'efforcent de trouver le chemin du ciel, et qu'une invincible fatalité force à planer non loin de la terre, autour de la demeure des hommes. Car ces oiseaux voyageurs ont d'étranges incertitudes et de mystérieuses anxiétés dans le cours de leur traversée aérienne. Il leur arrive parfois de perdre le vent, lorsque des brises capricieuses se combattent ou se succèdent dans les hautes régions. Alors on voit, lorsque ces déroutes arrivent durant le jour, le chef de file flotter à l'aventure dans les airs, puis faire volte-face, revenir se placer à la queue de la phalange triangulaire, tandis qu'une savante manœuvre de ses compagnons les ramène bientôt en bon ordre derrière lui. Souvent, après de vains efforts, le guide épuisé renonce à conduire la caravane. Un autre se présente, essaye à son tour, et cède la place à un troisième, qui retrouve le courant et engage victorieusement la marche. Mais que de cris, que de reproches, que de remontrances, que de malédictions sauvages ou de questions inquiètes sont échangées, dans une langue inconnue, entre ces pèlerins ailés. Dans la nuit sonore, on entend ces clameurs sinistres tournoyer parfois assez longtemps au-dessus des maisons. Et comme on ne peut rien voir, on ressent malgré soi une sorte de crainte et de malaise sympathique, jusqu'à ce que cette nuée sanglotante se soit perdue dans l'immensité. Il y a d'autres bruits encore qui sont propres à ce moment de l'année et qui se passent principalement dans les vergers. La cueille des fruits n'est pas encore faite, et mille crépitations inusitées font ressembler les arbres à des êtres animés. Une branche grince en se courbant sous un poids arrivé tout à coup à son dernier degré de développement, ou bien une pomme se détache et tombe à vos pieds avec un son mat sur la terre humide. Alors vous entendez fuir, en frôlant les branches et les herbes, un être que vous ne voyez pas. C'est le chien du paysan, ce rôdeur curieux, inquiet, à la fois insolent et poltron, qui se glisse partout, qui ne dort jamais, qui cherche toujours on ne sait quoi, qui vous épie, caché dans les broussailles, et prend la fuite au bruit de la pomme tombée, croyant que vous lui lancez une pierre. C'est durant ces nuits-là, nuits voilées et grisâtres, que le chanvreur raconte ses étranges aventures de follets et de lièvres blancs, d'âmes en peine et de sorciers transformés en loups, de sabbats au carrefour et de chouettes prophétesses au cimetière. Je me souviens d'avoir passé ainsi les premières heures de la nuit autour des broyes en mouvement dont la percussion impitoyable, interrompant le récit du chanvreur à l'endroit le plus terrible, nous faisait passer un frisson glacé dans les veines. Et souvent aussi, le bonhomme continuait à parler en broyant, et il y avait 4 à 5 mots perdus, mots effrayants, sans doute, que nous n'osions pas lui faire répéter, et dont l'omission ajoutait un mystère plus affreux au mystère déjà si sombre de son histoire. C'est en vain que les servantes nous avertissaient qu'il était bien tard pour rester dehors, et que l'heure de dormir était depuis longtemps sonnée pour nous. Elle-même mourait d'envie d'écouter encore. Et avec quelle terreur ensuite nous traversions le hameau pour rentrer chez nous. Comme le porche de l'église nous paraissait profond, et l'ombre des vieux arbres épaisse et noire. Quant au cimetière, on ne le voyait point. On fermait les yeux en le côtoyant. Mais le chanvreur n'est pas plus que le sacristain à donner exclusivement au plaisir de faire peur. Il aime à faire rire. Il est moqueur et sentimental au besoin, quand il faut chanter l'amour et l'hyménée. C'est lui qui recueille et conserve dans sa mémoire les chansons les plus anciennes et qui les transmet à la postérité. C'est donc lui qui est chargé, dans les noces, du personnage que nous allons lui voir jouer à la présentation délivrée de la petite Marie. Fin du chapitre 1 de l'appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 2 de l'appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Appendice, chapitre 2. Les livrées. Quand tout le monde fut réuni dans la maison, on ferma avec le plus grand soin les portes et les fenêtres. On alla même barricader la lucarne du grenier. On mit des planches, des tréteaux, des souches et des tables en travers de toutes les issues, comme si on se préparait à soutenir un siège. Et il se fit, dans cet intérieur fortifié, un silence d'attente assez solennel, jusqu'à ce qu'on entendît au loin des chants, des rires et le son des instruments rustiques. C'était la bande de l'épouseur, Germain en tête, accompagné de ses plus hardis compagnons, du fossoyeur, des parents, amis et serviteurs, qui formaient un joyeux et solide cortège. Cependant, à mesure qu'ils approchèrent de la maison, ils se ralentirent, se concertèrent et firent silence. Les jeunes filles, enfermées dans le logis, s'étaient ménagées aux fenêtres de petites fentes par lesquelles elles les virent arriver et se développer en ordre de bataille. Il tombait une pluie fine et froide qui ajoutait au piquant de la situation, tandis qu'un grand feu pétillait dans l'âtre de la maison. Marie eût voulu abréger les lenteurs inévitables de ce siège en règle. Elle n'aimait pas à voir ainsi se morfondre son fiancé. Mais elle n'avait pas voix au chapitre dans la circonstance, et même, elle devait partager ostensiblement la mutine cruauté de ses compagnes. Quand les deux camps furent ainsi en présence, une décharge d'armes à feu, partie du dehors, mit en grande rumeur tous les chiens des environs. Ceux de la maison se précipitèrent vers la porte en aboyant, croyant qu'il s'agissait d'une attaque réelle, et les petits enfants, que leur mère s'efforçait en vain de rassurer, se mirent à pleurer et à trembler. Toute cette scène fut si bien jouée qu'un étranger y eût été pris et eût songé peut-être à se mettre en état de défense contre une bande de chauffeurs. Alors, le fossoyeur barde et orateur du fiancé se plaça devant la porte et d'une voix lamentable engagea avec le chanvreur, placé à la lucarne qui était située au-dessus de la même porte, le dialogue suivant. Le fossoyeur. Hélas, mes bonnes gens, mes chers paroissiens, pour l'amour de Dieu, ouvrez-moi la porte. Le chanvreur. Qui êtes-vous donc, et pourquoi prenez-vous la licence de nous appeler vos chers paroissiens? Nous ne vous connaissons pas. Le fossoyeur. Nous sommes d'honnêtes gens bien en peine. N'ayez peur de nous, mes amis. Donnez-nous l'hospitalité. Il tombe du verglas, nos pauvres pieds sont gelés, et nous revenons de si loin que nos sabots en sont fendus. Le chanvreur. Si vos sabots sont fendus, vous pouvez chercher par terre. Vous trouverez bien un brin d'oisie, osier, pour faire des arcelets, petites lames de fer en forme d'arc, qu'on place sur les sabots fendus pour les consolider. Le fossoyeur. Des arcelets d'oisie, ce n'est guère solide. Vous vous moquez de nous, bonnes gens, et vous feriez mieux de nous ouvrir. On voit luire une belle flamme dans votre logis. Sans doute vous avez mis la broche, et on se réjouit chez vous le cœur et le ventre. Ouvrez donc à de pauvres pèlerins qui mourront à votre porte si vous ne leur faites merci. Le chanvreur. Ha ha, vous êtes des pèlerins. Vous ne nous disiez pas cela. Et de quel pèlerinage arrivez-vous, s'il vous plaît? Le fossoyeur. Nous vous dirons cela quand vous nous aurez ouvert la porte, car nous venons de si loin que vous ne voudriez pas le croire. Le chanvreur. Vous ouvrir la porte? Oui, da, nous ne saurions nous fier à vous. Voyons, est-ce de Saint-Sylvain de Pouligny que vous arrivez? le fossoyeur. Nous avons été à Saint-Sylvain-de-Pouligny, mais nous avons été bien plus loin encore. Le chanvreur. Alors vous avez été jusqu'à Sainte-Solange. Le fossoyeur. À Sainte-Solange, nous avons été, pour sûr, mais nous avons été plus loin encore. Le chanvreur. Vous mentez. Vous n'avez même jamais été jusqu'à Sainte-Solange. Le fossoyeur. Nous avons été plus loin, car à cette heure, nous arrivons de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chanvreur. Quelle bêtise, nous comptez-vous. Nous ne connaissons pas cette paroisse-là. Nous voyons bien que vous êtes de mauvaises gens, des brigands, des rien du tout et des menteurs. Allez plus loin, chantez vos sornettes. Nous sommes sur nos gardes, et vous n'entrerez point séant. Le fossoyeur. Hélas, mon pauvre homme, ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas des pèlerins, vous l'avez deviné. Mais nous sommes de malheureux braconniers poursuivis par des gardes. Mêmement, les gendarmes sont après nous, et si vous ne nous faites point cacher dans votre fenil, nous allons être pris et conduits en prison. Le chanvreur. Et qui nous prouvera que cette fois-ci vous soyez ce que vous dites? Car voilà déjà un mensonge que vous n'avez pas pu soutenir. Le fossoyeur. Si vous voulez nous ouvrir, nous vous montrerons une belle pièce de gibier que nous avons tuée. Le chanvreur. Montrez-la tout de suite, car nous sommes en méfiance. Le fossoyeur. Eh bien, ouvrez une porte ou une fenêtre, qu'on vous passe la bête. Le chanvreur. Oh, que nenni, pas si sot, je vous regarde par un petit pertuis, et je ne vois parmi vous ni chasseur ni gibier. Ici, un garçon bouvier, trapu et d'une force herculéenne, se détacha du groupe où il se tenait inaperçu, éleva vers la lucarne une noix plumée, passée dans une forte broche de fer, ornée de bouquets de paille et de rubans. « Ouida ! » s'écria le chanvreur, après avoir passé avec précaution un bras dehors pour tâter l'euro. « Ceci n'est point une caille ni une perdrix. Ce n'est ni un lièvre ni un lapin. C'est quelque chose comme une oie ou un dindon. Vraiment, vous êtes de beaux chasseurs, et ce gibier-là ne vous a guère fait courir. Allez plus loin, mes drôles. Toutes vos menteries sont connues, et vous pouvez bien aller chez vous faire cuire votre souper. Vous ne mangerez pas le nôtre. » Le fossoyeur. « Hélas, mon Dieu, où irons-nous faire cuire notre gibier? C'est bien peu de choses pour tant de monde que nous sommes. Et d'ailleurs, nous n'avons ni feu ni lieu. À cette heure-ci, toutes les portes sont fermées, tout le monde est couché. Il n'y a que vous qui fassiez la noce dans votre maison. Et il faut que vous ayez le cœur bien dur pour nous laisser transir dehors. Ouvrez-nous, braves gens, encore une fois. Nous ne vous occasionnerons pas de dépenses. Vous voyez bien que nous apportons le rôti. Seulement un peu de place à votre foyer, un peu de flamme pour le faire cuire, et nous nous en irons contents. » Le chanvreur. « Croyez-vous qu'il y ait trop de place chez nous, et que le bois ne nous coûte rien ?» Le fossoyeur. « Nous avons là une petite botte de paille pour faire le feu. Nous nous en contenterons. Donnez-nous seulement la permission de mettre la broche en travers de votre cheminée. » Le chanvreur. « Cela ne sera point. Vous nous faites dégoût et point du tout pitié. M'est avis que vous êtes ivre, que vous n'avez besoin de rien, et que vous voulez entrer chez nous pour voler notre feu et nos filles. » Le fossoyeur. « Puisque vous ne voulez entendre à aucune bonne raison, nous allons entrer chez vous par force. » Le chanvreur. « Essayez, si vous voulez. Nous sommes assez bien renfermés pour ne pas vous craindre. Et puisque vous êtes insolent, nous ne vous répondrons pas davantage. » Là-dessus, le chanvreur ferma à grand bruit l'ouïe de la lucarne et redescendit dans la chambre au-dessous par une échelle. Puis il reprit la fiancée par la main, et les jeunes gens des deux sexes, se joignant à eux, tous se mirent à danser et à crier joyeusement, tandis que les matrones chantaient d'une voix perçante et poussaient de grands éclats de rire en signe de méprise et de bravade contre ceux du dehors qui tentaient l'assaut. Les assiégeants, de leur côté, faisaient rage. Ils déchargeaient leurs pistolets dans les portes, faisaient gronder les chiens, frappaient de grands coups sur les murs, secouaient les volets, poussaient des cris effroyables. Enfin, c'était un vacarme à ne pas s'entendre, une poussière et une fumée à ne se point voir. Pourtant, cette attaque était simulée. Le moment n'était pas venu de violer l'étiquette. Si l'on parvenait, en rôdant, à trouver un passage non gardé, une ouverture quelconque, on pouvait chercher à s'introduire par surprise, et alors, si le porteur de la broche arrivait à mettre son rôti au feu, la prise de possession du foyer ainsi constatée, la comédie finissait et le fiancé était vainqueur. Mais les issues de la maison n'étaient pas assez nombreuses pour qu'on eût négligé les précautions d'usage, et nul ne se fût arrogé le droit d'employer la violence avant le moment fixé pour la lutte. Quand on fut là de sauter et de crier, le chanvreur songea à capituler. Il remonta à sa lucarne, l'ouvrit avec précaution et salua les assiégeants désappointés par un éclat de rire. « Eh bien, mes gars, dit-il, vous voilà bien penauds. Vous pensiez que rien n'était plus facile que d'entrer séant, et voyez que notre défense est bonne. Mais nous commençons à avoir pitié de vous, si vous voulez vous soumettre et accepter nos conditions. » Le fossoyeur. « Parlez, mes braves gens, dites ce qu'il faut faire pour approcher de votre foyer. » Le chanvreur. « Il faut chanter, mes amis, mais chanter une chanson que nous ne connaissions pas, et à laquelle nous ne puissions pas répondre par une meilleure. » « Qu'à cela ne tienne !» répondit le fossoyeur, et il entonna d'une voix puissante. « Voilà 6 mois que c'était le printemps. Me promenais sur l'herbette naissante, » répondit le chanvreur d'une voix un peu enrouée mais terrible. « Vous moquez-vous, mes pauvres gens, de nous chanter une pareille vieillerie? Vous voyez bien que nous vous arrêtons au premier mot. » « C'était la fille d'un prince qui voulait se marier, » répondit le chanvreur. « Passez, passez à une autre. Nous connaissons celle-là un peu trop. » Le fossoyeur. « Voulez-vous celle-ci ? » ?»« En revenant de Nantes. » Le chanvreur. « J'étais bien fatigué, voyez, j'étais bien fatigué. Celle-là est du temps de ma grand-mère. Voyons-en une autre. » Le fossoyeur. « L'autre jour, en me promenant. » Le chanvreur. « Le long de ce bois charmant. » En voilà une qui est bête. Nos petits-enfants ne voudraient pas se donner la peine de vous répondre. « Quoi ? Voilà tout ce que vous savez ?» Le fossoyeur. « Oh ! Nous vous en dirons tant que vous finirez par rester court. » Il se passa bien 1 heure à combattre ainsi. Comme les 2 antagonistes étaient les 2 plus forts du pays sur la chanson, et que leur répertoire semblait inépuisable, cela eût pu durer toute la nuit. D'autant plus que le chanvreur mit un peu de malice à laisser chanter certaines complaintes en 10, 20 ou 30 couplets, feignant par son silence de se déclarer vaincu. Alors, on triomphait dans le camp du fiancé, on chantait en chœur à pleine voix, et on croyait que cette fois, la partie adverse ferait défaut. Mais, à la moitié du couplet final, on entendait la voix rude et enrhumée du vieux chanvreur beugler les derniers vers, après quoi il s'écriait « Vous n'aviez pas besoin de vous fatiguer à en dire une si longue, mes enfants, nous la savions sur le bout du doigt !» 1 ou 2 fois pourtant, le chanvreur fit la grimace, fronça le sourcil et se retourna d'un air désappointé vers les matrones attentives. Le fossoyeur chantait quelque chose de si vieux que son adversaire l'avait oublié, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais su. Mais aussitôt les bonnes commères nasillaient, d'une voix aigre comme celle de la mouette, le refrain victorieux, et le fossoyeur, sommé de se rendre, passait à d'autres essais. Il eût été trop long d'attendre de quel côté resterait la victoire. Le parti de la fiancée déclara qu'il faisait grâce à condition qu'on offrirait à celle-ci un présent digne d'elle. Alors commença le chant délivré, sur un air solennel, comme un chant d'église. Les hommes du dehors dirent en basse taille à l'unisson. « Ouvrez la porte, ouvrez, Marie, ma mignonne, j'ont de beaux cadeaux à vous présenter. » « Hélas, mamie, laissez-nous entrer. » À quoi les femmes répondirent de l'intérieur et en faussaient d'un ton dolent. « Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de trop grand merci. Pour ouvrir ma porte à cette heure ici. » Les hommes reprirent le premier couplet jusqu'au 4e vers, qu'ils modifièrent de la sorte. « J'ons un beau mouchoir à vous présenter. » Mais, au nom de la fiancée, les femmes répondirent de même que la première fois. Pendant 20 couplets au moins, les hommes énumérèrent tous les cadeaux de la livrée, mentionnant toujours un objet nouveau dans le dernier vers. Un beau devanteau, tablier, de beaux rubans, un habit de drap, de la riantelle, une croix d'or, et jusqu'à 100 d'épingles pour compléter la modeste corbeille de la mariée. Le refus des matrones était irrévocable, mais enfin les garçons se décidèrent à parler d'un beau mari à leur présenter, et elles répondirent en s'adressant à la mariée, en lui chantant avec les hommes. « Ouvrez la porte, ouvrez, Marie, ma mignonne, c'est un beau mari qui vient vous chercher. » Allons, mamie, laissons-les entrer. Fin du chapitre 2 de l'appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 3 de l'appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La mare au diable de George Sand. Appendice. Chapitre 3. Le mariage. Aussitôt, le chanvreur tira la cheville de bois qui fermait la porte à l'intérieur. C'était encore, à cette époque, la seule serrure connue dans la plupart des habitations de notre hameau. La bande du fiancé fit irruption dans la demeure de la fiancée, mais non sans combat, car les garçons cantonnés dans la maison, même le vieux chanvreur et les vieilles commères, se mirent en devoir de garder le foyer. Le porteur de la broche, soutenu par les siens, devait arriver à planter le rôti dans l'âtre. Ce fut une véritable bataille, quoiqu'on s'abstint de se frapper et qu'il n'y eût point de colère dans cette lutte. Mais on se poussait et on se pressait si étroitement, et il y avait tant d'amour-propre en jeu dans cet essai de force musculaire, que les résultats pouvaient être plus sérieux qu'ils ne le paraissaient à travers les rires et les chansons. Le pauvre vieux chanvreur, qui se débattait comme un lion, fut collé à la muraille et serré par la foule, jusqu'à perdre la respiration. Plus d'un champion renversé fut foulé aux pieds involontairement, plus d'une main cramponnée à la broche fut ensanglantée. Ces jeux sont dangereux, et les accidents ont été assez graves dans les derniers temps pour que nos paysans aient résolu de laisser tomber en désuétude la cérémonie délivrée. Je crois que nous avons vu la dernière à la noce de Françoise Meillant, et encore, la lutte ne fut-elle que simulée. Cette lutte fut encore assez passionnée à la noce de Germain. Il y avait une question de point d'honneur de part et d'autre à envahir et à défendre le foyer de la Guillette. L'énorme broche de fer fut tordue comme une vis sous les vigoureux poignets qui se la disputaient. Un coup de pistolet mit le feu à une petite provision de chanvre en poupée, placée sur une clef, au plafond. Cet incident fit diversion, et tandis que les uns s'empressaient d'étouffer ce germe d'incendie, le fossoyeur, qui était grimpé au grenier sans qu'on s'en aperçût, descendit par la cheminée et saisit la broche au moment où le bouvier qui la défendait auprès de l'âtre l'élevait au-dessus de sa tête pour empêcher qu'elle ne lui fût arrachée. Quelque temps avant la prise d'assaut, les matrones avaient eu le soin d'éteindre le feu, de crainte qu'en se débattant auprès, quelqu'un ne vint à y tomber et à se brûler. Le facétieux fossoyeur, d'accord avec le bouvier, s'empara donc du trophée sans difficulté et le jeta en travers sur les landiers. C'en était fait, il n'était plus permis d'y toucher. Il sauta au milieu de la chambre et alluma un reste de paille qui entourait la broche pour faire le simulacre de la cuisson du rôti, car l'oie était en pièces et jonchait le plancher de ses membres épars. Il y eut alors beaucoup de rires et de discussions fanfaronnes. Chacun montrait les orions qu'il avait reçus, et comme c'était souvent la main d'un ami qui avait frappé, personne ne se plaignit ni ne se querella. Le chanvreur, à demi aplati, se frottait les reins, disant qu'il s'en souciait fort peu, mais qu'il protestait contre la ruse de son compère le fossoyeur et que, s'il n'eût été à demi mort, le foyer n'eût pas été conquis si facilement. Les matrones balayaient le pavé et l'ordre se faisait. La table se couvrait de brocs de vin nouveau. Quand on eut trinqué ensemble et repris haleine, le fiancé fut amené au milieu de la chambre et, armé d'une baguette, il dut se soumettre à une nouvelle épreuve. Pendant la lutte, la fiancée avait été cachée avec trois de ses compagnes par sa mère, sa marraine et ses tantes, qui avaient fait asseoir les quatre jeunes filles sur un banc, dans un coin reculé de la salle, et les avaient couvertes d'un grand drap blanc. Les trois compagnes avaient été choisies de la même taille que Marie, et leurs cornettes de hauteur identiques, de sorte que le drap, leur couvrant la tête et les enveloppant jusque par-dessous les pieds, il était impossible de les distinguer l'une de l'autre. Le fiancé ne devait les toucher qu'avec le bout de sa baguette, et seulement pour désigner celle qu'il jugeait être sa femme. On lui donnait le temps d'examiner, mais avec les yeux seulement, et les matrones, placées à ses côtés, veillaient rigoureusement à ce qu'il n'y eût point de supercherie. S'il se trompait, il ne pouvait danser de la soirée avec sa fiancée, mais seulement avec celle qu'il avait choisie par erreur. Germain, se voyant en présence de ces fantômes enveloppés sous le même suaire, craignait fort de se tromper. Et de fait, cela était arrivé à bien d'autres, car les précautions étaient toujours prises avec un soin consciencieux. Le cœur lui battait. La petite Marie essayait bien de respirer fort et d'agiter un peu le drap, mais ses malignes rivales en faisaient autant, poussaient le drap avec leurs doigts, et il y avait autant de signes mystérieux que de jeunes filles sous le voile. Les cornettes carrées maintenaient ce voile si également qu'il était impossible de voir la forme d'un front dessiné par ses plis. Germain, après 10 minutes d'hésitation, ferma les yeux, recommanda son âme à Dieu et tendit la baguette au hasard. Il toucha le front de la petite Marie, qui jeta le drap loin d'elle en criant « Victoire !». Il eut alors la permission de l'embrasser, et l'enlevant dans ses bras robustes, il la porta au milieu de la chambre et ouvrit avec elle le bal, qui dura jusqu'à 2 heures du matin. Alors on se sépara pour se réunir à 8 heures. Comme il y avait un certain nombre de jeunes gens venus des environs, et qu'on n'avait pas des lits pour tout le monde, chaque invité du village reçut dans son lit 2 ou 3 jeunes compagnes, tandis que les garçons allèrent pêle-mêle s'étendre sur le fourrage du grenier de la métairie. Vous pouvez bien penser que là, ils ne dormirent guère, car ils ne songèrent qu'à se lutiner les uns les autres, à échanger des lazis et à se conter de folles histoires. Dans les noces, il y a de rigueur 3 nuits blanches qu'on ne regrette point. À l'heure marquée pour le départ, après qu'on eut mangé la soupe au lait relevée d'une forte dose de poivre pour se mettre en appétit, car le repas des noces promettait d'être copieux, on se rassembla dans la cour de la ferme. Notre paroisse étant supprimée, c'est à 1/2 lieue de chez nous qu'il fallait aller chercher la bénédiction nuptiale. Il faisait un beau temps frais, mais les chemins étant fort gâtés, chacun s'était muni d'un cheval, et chaque homme prit en croupe une compagne jeune ou vieille. Germain partit sur la grise qui, bien pansée, ferrée à neuf et ornée de rubans, piaffait et jetait le feu par les naseaux. Il alla chercher sa fiancée à la chaumière avec son beau-frère Jacques, lequel, monté sur la vieille grise, prit la bonne mère Guillette en croupe, tandis que Germain rentra dans la cour de la ferme, amenant sa chère petite femme d'un air de triomphe. Puis la joyeuse cavalcade se mit en route, escortée par les enfants à pied qui couraient en tirant des coups de pistolet et faisaient bondir les chevaux. La mère Maurice était montée sur une petite charrette, avec les 3 enfants de Germain et les ménétriers. Ils ouvraient la marche au son des instruments. Petit Pierre était si beau que la vieille grand-mère en était toute orgueilleuse. Mais l'impétueux enfant ne tint pas longtemps à ses côtés. À un temps d'arrêt qu'il fallut faire à mi-chemin pour s'engager dans un passage difficile, il s'esquiva et alla supplier son père de l'asseoir devant lui sur la grise. « Oui, da, » répondit Germain, « cela va nous attirer de mauvaises plaisanteries. Il ne faut point. » « Je ne me soucie guère de ce que diront les gens de Saint-Chartier, » dit la petite Marie. « Prenez-le, Germain, je vous en prie. Je serai encore plus fière de lui que de ma toilette de noces. » Germain céda, et le beau trio s'élança dans les rangs au galop triomphant de la grise. Et de fait, les gens de Saint-Chartier, quoique très railleurs et un peu taquins à l'endroit des paroisses environnantes réunies à la leur, ne songèrent point à rire en voyant un si beau marié, une si jolie mariée et un enfant qui eût fait envie à la femme d'un roi. Petit Pierre avait un habit complet de drap bleu barbeau, un gilet rouge si coquet et si court qu'il ne lui descendait guère au-dessous du menton. Le tailleur du village lui avait si bien serré les entournures qu'il ne pouvait rapprocher ses 2 petits bras. Aussi, comme il était fier. Il avait un chapeau rond avec une ganse noire et or, et une plume de paon sortant crânement d'une touffe de plumes de pintade. Un bouquet de fleurs plus gros que sa tête lui couvrait l'épaule, et les rubans lui flottaient jusqu'aux pieds. Le chanvreur, qui était aussi le barbier et le perruquier de l'endroit, lui avait coupé les cheveux en rond, en lui couvrant la tête d'une écuelle et retranchant tout ce qui passait, méthode infaillible pour assurer le coup de ciseau. Ainsi accoutré, le pauvre enfant était moins poétique, à coup sûr, qu'avec ses longs cheveux au vent et sa peau de mouton à la Saint-Jean-Baptiste. Mais il n'en croyait rien, et tout le monde l'admirait, disant qu'il avait l'air d'un petit homme. Sa beauté triomphait de tout, et de quoi ne triompherait pas, en effet, l'incomparable beauté de l'enfance. Sa petite sœur Solange avait, pour la première fois de sa vie, une cornette à la place du béguin d'indienne que portent les petites filles jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Et quelle cornette, plus haute et plus large que tout le corps de la pauvrette. Aussi, comme elle se trouvait belle, elle n'osait pas tourner la tête et se tenait toute raide, pensant qu'on la prendrait pour la marier. Quant au petit Sylvain, il était encore en robe et endormi sur les genoux de sa grand-mère. Il ne se doutait guère de ce que c'est qu'une noce. Germain regardait ses enfants avec amour, et en arrivant à la mairie, il dit à sa fiancée « Tiens, Marie, j'arrive là un peu plus content que le jour où je t'ai ramené chez nous des bois de Chanteloube, croyant que tu ne m'aimerais jamais. » Je te pris dans mes bras pour te mettre à terre comme à présent, mais je pensais que nous ne nous retrouverions plus jamais sur la pauvre bonne grise avec cet enfant sur nos genoux. Tiens, je t'aime tant, j'aime tant ces pauvres petits, je suis si heureux que tu m'aimes, et que tu les aimes, et que mes parents t'aiment, et j'aime tant ta mère et mes amis, et tout le monde aujourd'hui, que je voudrais avoir 3 ou 4 cœurs pour y suffire. Vrai, c'est trop peu d'un pour y loger tant d'amitié et tant de contentement. J'en ai comme mal à l'estomac. Il y eut une foule à la porte de la mairie et de l'église pour regarder la jolie mariée. Pourquoi ne dirions-nous pas son costume? Il lui allait si bien. Sa cornette de mousseline claire et bordée partout avait les barres de garnies de rientelle. Dans ce temps-là, les paysannes ne se permettaient pas de montrer un seul cheveu. Et quoiqu'elles cachent sous leur cornette de magnifiques chevelures roulées dans des rubans de fil blanc pour soutenir la coiffe, encore aujourd'hui, ce serait une action indécente et honteuse que de se montrer aux hommes la tête nue. Cependant, elles se permettent à présent de laisser sur le front un mince bandeau qui les embellit beaucoup. Mais je regrette la coiffure classique de mon temps. Ces dentelles blanches accrues sur la peau avaient un caractère d'antique chasteté qui me semblait plus solennel, et quand une figure était belle ainsi, c'était d'une beauté dont rien ne peut exprimer le charme et la majesté naïve. La petite Marie portait encore cette coiffe, et son front était si blanc et si pur qu'il défiait le blanc du linge de l'assombrir. Quoiqu'elle n'eût pas fermé l'œil de la nuit, l'air du matin, et surtout la joie intérieure d'une âme aussi limpide que le ciel, et puis encore un peu de flamme secrète, contenue par la pudeur de l'adolescence, lui faisait monter aux joues un éclat aussi suave que la fleur du pêcher au premier rayon d'avril. Son fichu blanc, chastement croisé sur son sein, ne laissait voir que les contours délicats d'un cou arrondi, comme celui d'une tourterelle. Son déshabillé de drap fin, vert myrte, dessinait sa petite taille qui semblait parfaite, mais qui devait grandir et se développer encore, car elle n'avait pas 17 ans. Elle portait un tablier de soie violet pensée, avec la bavette, que nos villageoises ont eu le tort de supprimer, et qui donnait tant d'élégance et de modestie à la poitrine. Aujourd'hui, elles étalent leur fichu avec plus d'orgueil, mais il n'y a plus dans leur toilette cette fine fleur d'antique pudicité qui les faisait ressembler à des vierges d'Holbein. Elles sont plus coquettes, plus gracieuses. Le bon genre autrefois était une sorte de raideur sévère qui rendait leurs rares sourires plus profonds et plus idéales. À l'offrande, Germain mit, selon l'usage, le trezain, c'est-à-dire 13 pièces d'argent dans la main de sa fiancée. Il lui passa au doigt une bague d'argent, d'une forme invariable depuis des siècles, mais que l'alliance d'or a remplacée désormais. Au sortir de l'église, Marie lui dit tout bas, « Est-ce bien la bague que je souhaitais, celle que je vous ai demandée, Germain ?»« Oui, » répondit-il, « celle que ma Catherine avait au doigt lorsqu'elle est morte. C'est la même bague pour mes 2 mariages. »« Je vous remercie, Germain, » dit la jeune femme d'un ton sérieux et pénétré. « Je mourrai avec, et si c'est avant vous, vous la garderez pour le mariage de votre petite Solange. » Fin du chapitre 3 de l'appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 4 de l'appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. La mare au diable de George Sand. Appendice, chapitre 4. Le chou. On remonta à cheval et on revint très vite à Bel-Air. Le repas fut splendide et dura, entremêlé de danses et de chants, jusqu'à minuit. Les vieux ne quittèrent point la table pendant 14 heures. Le fossoyeur fit la cuisine et la fit fort bien. Il était renommé pour cela, et il quittait ses fourneaux pour venir danser et chanter entre chaque service. Il était épileptique pourtant, ce pauvre père Bontemps. Qui s'en serait douté? Il était frais, fort et gai comme un jeune homme. Un jour, nous le trouvâmes comme mort, tordu par son mal dans un fossé à l'entrée de la nuit. Nous le rapportâmes chez nous dans une brouette, et nous passâmes la nuit à le soigner. 3 jours après, il était de noces, chantait comme une grive, et sautait comme un cabri, se trémoussant à l'ancienne mode. En sortant d'un mariage, il allait creuser une fosse et clouer une bière. Il s'en acquittait pieusement, et quoiqu'il n'y parût point ensuite à sa belle humeur, il en conservait une impression sinistre qui hâtait le retour de son accès. Sa femme, paralytique, ne bougeait de sa chaise depuis 20 ans. Sa mère en a 140 et vit encore. Mais lui, le pauvre homme, si gai, si bon, si amusant, il s'est tué l'an dernier en tombant de son grenier sur le pavé. Sans doute, il était en proie au fatal accès de son mal, et comme d'habitude, il s'était caché dans le foin pour ne pas effrayer et affliger sa famille. Il termina ainsi, d'une manière tragique, une vie étrange comme lui-même, un mélange de choses lugubres et folles, terribles et riantes, au milieu desquelles son cœur était toujours resté bon et son caractère aimable. Mais nous arrivons à la troisième journée des noces, qui est la plus curieuse et qui s'est maintenue dans toute sa rigueur jusqu'à nos jours. Nous ne parlerons pas de la rôtie que l'on porte au lit nuptial. C'est un assez sot usage qui fait souffrir la pudeur de la mariée et tend à détruire celle des jeunes filles qui y assistent. D'ailleurs, je crois que c'est un usage de toutes les provinces et qui n'a chez nous rien de particulier. De même que la cérémonie des livrées est le symbole de la prise de possession du cœur et du domicile de la mariée, celle du chou est le symbole de la fécondité de l'hymen. Après le déjeuner du lendemain de noces, commence cette bizarre représentation d'origine gauloise, mais qui, en passant par le christianisme primitif, est devenue peu à peu une sorte de mystère ou de moralité bouffonne du Moyen-Âge. Deux garçons, les plus enjoués et les mieux disposés de la bande, disparaissent pendant le déjeuner, vont se costumer, et enfin reviennent, escortés de la musique, des chiens, des enfants et des coups de pistolet. Ils représentent un couple de gueux, mari et femme, couverts des haillons les plus misérables. Le mari est le plus sale des deux. C'est le vice qui l'a ainsi dégradé. La femme n'est que malheureuse et avilie par les désordres de son époux. Ils s'intitulent le jardinier et la jardinière, et se disent préposés à la garde et à la culture du chou sacré. Mais le mari porte diverses qualifications qui toutes ont un sens. On l'appelle indifféremment le paillou, parce qu'il est coiffé d'une perruque de paille ou de chanvre, et que, pour cacher sa nudité mal garantie par ses guenilles, il s'entoure les jambes et une partie du corps de paille. Il se fait aussi un gros ventre ou une bosse avec de la paille ou du foin caché sous sa blouse. Le payou, parce qu'il est couvert de paille, de guenilles. Enfin, le païen, ce qui est plus significatif encore, parce qu'il est censé, par son cynisme et ses débauches, résumer en lui l'antipode de toutes les vertus chrétiennes. Il arrive, le visage barbouillé de suie et de lie de vin, quelquefois affublé d'un masque grotesque. Une mauvaise tasse de terre ébréchée, ou un vieux sabot, pendu à sa ceinture par une ficelle, lui sert à demander l'aumône du vin. Personne ne lui refuse, et il feint de boire, puis il répand le vin par terre en signe de libation. À chaque pas, il tombe, il se roule dans la boue. Il affecte d'être en proie à l'ivresse la plus honteuse. Sa pauvre femme court après lui, le ramasse, appelle au secours, arrache les cheveux de chanvre qui sortent en mèches hérissées de sa cornette immonde, pleure sur l'abjection de son mari et lui fait des reproches pathétiques. « Malheureux !» lui dit-elle. « Vois où nous a réduit ta mauvaise conduite. J'ai beau filer, travailler pour toi, raccommoder tes habits. Tu te déchires, tu te souilles sans cesse. Tu m'as mangé mon pauvre bien, nos 6 enfants sont sur la paille. Nous vivons dans une étable avec les animaux. » Nous voilà réduits à demander l'aumône, et encore tu es si laid, si dégoûtant, si méprisé, que bientôt on nous jettera le pain comme à des chiens. Hélas, mes pauvres mondes, mes pauvres gens, ayez pitié de nous, ayez pitié de moi. Je n'ai pas mérité mon sort, et jamais femme n'a eu un mari plus malpropre et plus détestable. Aidez-moi à le ramasser, autrement les voitures l'écraseront comme un vieux tesson de bouteille, et je serai veuve, ce qui achèverait de me faire mourir de chagrin, quoique tout le monde dise que ce serait un grand bonheur pour moi. » Tel est le rôle de la jardinière et ses lamentations continuelles durant toute la pièce. Car c'est une véritable comédie libre, improvisée, jouée en plein air, sur les chemins, à travers champs, alimentée par tous les accidents fortuits qui se présentent, et à laquelle tout le monde prend part, gens de la noce et du dehors, hôtes des maisons et passant des chemins pendant 3 ou 4 heures de la journée, ainsi qu'on va le voir. Le thème est invariable, mais on brode à l'infini sur ce thème, et c'est là qu'il faut voir l'instinct mimique, l'abondance d'idées bouffonnes, la faconde, l'esprit de repartie et même l'éloquence naturelle de nos paysans. Le rôle de la jardinière est ordinairement confié à un homme mince, imberbe et à teint frais, qui sait donner une grande vérité à son personnage et jouer le désespoir burlesque avec assez de naturel pour qu'on en soit égayé et attristé en même temps, comme d'un fait réel. Ces hommes maigres et imberbes ne sont pas rares dans nos campagnes, et, chose étrange, ce sont parfois les plus remarquables pour la force musculaire. Après que le malheur de la femme est constaté, les jeunes gens de la noce l'engagent à laisser là son ivrogne de mari et à se divertir avec eux. Ils lui offrent le bras et l'entraînent. Peu à peu, elle s'abandonne, s'égaie, et se met à courir, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, prenant des allures dévergondées. Nouvelle moralité, l'inconduite du mari, provoque et amène celle de la femme. Le païen se réveille alors de son ivresse. Il cherche des yeux sa compagne, s'arme d'une corde et d'un bâton, et court après elle. On le fait courir, on se cache, on passe la femme de l'un à l'autre, on essaye de la distraire et de tromper le jaloux. Ses amis s'efforcent de l'enivrer. Enfin, il rejoint son infidèle et veut la battre. Ce qu'il y a de plus réel et de mieux observé dans cette parodie des misères de la vie conjugale, c'est que le jaloux ne s'attaque jamais à ceux qui enlèvent sa femme. Il est fort poli et prit avec eux. Il ne veut s'en prendre qu'à la coupable, parce qu'elle est censée ne pouvoir lui résister. Mais au moment où il lève son bâton et apprête sa corde pour attacher la délinquante, tous les hommes de la noce s'interposent et se jettent entre les deux époux. « Ne la battez pas, ne battez jamais votre femme !» est la formule qui se répète à satiété dans ces scènes. On désarme le mari, on le force à pardonner, à embrasser sa femme, et bientôt, il affecte de l'aimer plus que jamais. Il s'en va bras dessus, bras dessous avec elle, en chantant et en dansant, jusqu'à ce qu'un nouvel accès d'ivresse le fasse rouler par terre. Et alors, recommencent les lamentations de la femme, son découragement, ses égarements simulés, la jalousie du mari, l'intervention des voisins et le raccommodement. Il y a dans tout cela un enseignement naïf, grossier même, qui sent fort son origine Moyen-Âge, mais qui fait toujours impression, sinon sur les mariés, trop amoureux ou trop raisonnables aujourd'hui pour en avoir besoin, du moins sur les enfants et les adolescents. Le païen effraie et dégoûte tellement les jeunes filles en courant après elles et en feignant de vouloir les embrasser, qu'elles fuient avec une émotion qui n'a rien de joué. Sa face barbouillée et son grand bâton, inoffensif pourtant, font jeter les hauts cris aux marmots. C'est de la comédie de mœurs à l'état le plus élémentaire, mais aussi le plus frappant. Quand cette farce est bien mise en train, on se dispose à aller chercher le chou. On apporte une civière sur laquelle on place le païen armé d'une bêche, d'une corde et d'une grande corbeille. Quatre hommes vigoureux l'enlèvent sur leurs épaules. Sa femme le suit à pied. Les anciens viennent en groupe après lui d'un air grave et pensif. Puis la noce marche par couple, au pas réglé par la musique. Les coups de pistolet recommencent. Les chiens hurlent plus que jamais à la vue du païen immonde ainsi porté en triomphe. Les enfants l'encensent dérisoirement avec des sabots au bout d'une ficelle. Mais pourquoi cette ovation à un personnage si repoussant? On marche à la conquête du chou sacré, emblème de la fécondité matrimoniale, et c'est cet ivrogne abruti qui seul peut porter la main sur la plante symbolique. Sans doute il y a là un mystère antérieur au christianisme et qui rappelle la fête des Saturnales ou quelque bacchanale antique. Peut-être ce païen, qui est en même temps le jardinier par excellence, n'est-il rien moins que Priap en personne, le dieu des jardins et de la débauche, divinité qui dut être pourtant chaste et sérieuse dans son origine, comme le mystère de la reproduction, mais que la licence des mœurs et l'égarement des idées ont dégradé insensiblement. Quoi qu'il en soit, la marche triomphale arrive au logis de la mariée et s'introduit dans son jardin. Là, on choisit le plus beau chou, ce qui ne se fait pas vite, car les anciens tiennent conseil et discutent à perte de vue, chacun plaidant pour le chou qui lui paraît le plus convenable. On va aux voix, et quand le choix est fixé, le jardinier attache sa corde autour de la tige et s'éloigne autant que le permet l'étendue du jardin. La jardinière veille à ce que, dans sa chute, le légume sacré ne soit point endommagé. Les plaisants de la noce, le chanvreur, le fossoyeur, le charpentier ou le sabotier, tous ceux enfin qui ne travaillent pas la terre et qui, passant leur vie chez les autres, sont réputés avoir et ont réellement plus d'esprit et de babille que les simples ouvriers agriculteurs, se rangent autour du chou. L'un ouvre une tranchée à la bêche, si profonde qu'on dirait qu'il s'agit d'abattre un chêne. L'autre met sur son nez une drogue en bois ou en carton qui simule une paire de lunettes. Il fait l'office d'ingénieur, s'approche, s'éloigne, lève un plan, lorgne les travailleurs, tire des lignes, fait le pédant, s'écrie qu'on va tout gâter, fait abandonner et reprendre le travail selon sa fantaisie, et le plus longuement, le plus ridiculement possible dirige la besogne. Ceci est-il une addition au formulaire antique de la cérémonie, en moquerie des théoriciens en général que le paysan coutumier méprise souverainement, ou en haine des arpenteurs qui règlent le cadastre et répartissent l'impôt, ou enfin des employés aux ponts et chaussées qui convertissent des communaux en routes et font supprimer de vieux abus chers aux paysans? tant il y a que ce personnage de la comédie s'appelle le géomètre, et qu'il fait son possible pour se rendre insupportable à ceux qui tiennent la pioche et la pelle. Enfin, après un quart d'heure de difficultés et de momeries, pour ne pas couper les racines du chou et le déplanter sans dommage, tandis que des pelletées de terre sont lancées au nez des assistants, tant pis pour qu'il ne se range pas assez vite, fût-il évêque ou prince, il faut qu'il reçoive le baptême de la terre. Le païen tire la corde, la païenne tend son tablier, et le chou tombe majestueusement au viva des spectateurs. Alors, on apporte la corbeille, et le couple païen y plante le chou avec toutes sortes de soins et de précautions. On l'entoure de terre fraîche, on le soutient avec des baguettes et des liens, comme font les bouquetières des villes pour leurs splendides camélias en pot. On pique des pommes rouges au bout des baguettes, des branches de thym, de sauge et de laurier tout autour. On chamarre le tout de rubans et de banderoles. On recharge le trophée sur la civière avec le païen, qui doit le maintenir en équilibre et le préserver d'accidents. Et enfin, on sort du jardin en bon ordre et au pas de marche. Mais là, quand il s'agit de franchir la porte, de même lorsque, ensuite, il s'agit d'entrer dans la cour de la maison du marié, un obstacle imaginaire s'y oppose au passage. Les porteurs du fardeau trébuchent, poussent de grandes exclamations, reculent, avancent encore, et comme repoussés par une force invincible, feignent de succomber sous le poids. Pendant cela, les assistants crient, excitent et calment l'attelage humain. « Bellement, bellement, enfant! Là, là, courage! Prenez garde! Patience! Baissez-vous, la porte est trop basse. Serrez-vous, elle est trop étroite. Un peu à gauche, à droite à présent. Allons, du cœur, vous y êtes !» C'est ainsi que, dans les années de récolte abondante, le char à bœufs, chargé outre mesure de fourrage ou de moisson, se trouve trop large ou trop haut pour entrer sous le porche de la grange. C'est ainsi qu'on crie après les robustes animaux pour les retenir ou les exciter. C'est ainsi qu'avec de l'adresse et de vigoureux efforts, on fait passer la montagne des richesses, sans l'écrouler, sous l'arc de triomphe rustique. C'est surtout le dernier charroi, appelé la gerbaude, qui demande ses précautions, car c'est aussi une fête champêtre, et la dernière gerbe enlevée au dernier sillon est placée au sommet du char, ornée de rubans et de fleurs, de même que le front des bœufs et l'aiguillon du bouvier. Ainsi, l'entrée triomphale et pénible du chou dans la maison est un simulacre de la prospérité et de la fécondité qu'il représente. Arrivé dans la cour du marié, le chou est enlevé et porté au plus haut de la maison ou de la grange. S'il est une cheminée, un pignon, un pigeonnier plus élevé que les autres fêtes, il faut, à tout risque, porter ce fardeau au point culminant de l'habitation. Le païen l'accompagne jusque-là, le fixe et l'arrose d'un grand broc de vin, tandis qu'une salve de coups de pistolet et les contorsions joyeuses de la païenne signalent son inauguration. La même cérémonie recommence immédiatement. On va déterrer un autre chou dans le jardin du marié pour le porter avec les mêmes formalités sur le toit que sa femme vient d'abandonner pour le suivre. Ces trophées restent là jusqu'à ce que le vent et la pluie détruisent les corbeilles et emportent le chou. Mais ils y vivent assez longtemps pour donner quelques chances de succès à la prédiction que font les anciens et les matrones en le saluant. « Beau chou, disent-ils, vis et fleuris, afin que notre jeune marié ait un beau petit enfant avant la fin de l'année. Car si tu mourais trop vite, ce serait signe de stérilité, et tu serais là-haut sur sa maison comme un mauvais présage. » La journée est déjà avancée quand toutes ces choses sont accomplies. Il ne reste plus qu'à faire la conduite aux parrains et marraines des conjoints. Quand ses parents putatifs demeurent au loin, on les accompagne avec la musique et toute la noce jusqu'aux limites de la paroisse. Là, on danse encore sur le chemin et on les embrasse en se séparant d'eux. Le païen et sa femme sont alors débarbouillés et rhabillés proprement, quand la fatigue de leur rôle ne les a pas forcés à aller faire un somme. On dansait, on chantait et on mangeait encore à la métairie de Bel Air, ce troisième jour de noces, à minuit, lors du mariage de Germain. Les anciens, attablés, ne pouvaient s'en aller, et pour cause. Ils ne retrouvèrent leurs jambes et leur esprit que le lendemain au petit jour. Alors, tandis que ceux-là regagnaient leur demeure, silencieux et trébuchants, Germain, fier et dispos, sortit pour aller lier ses bœufs, laissant sommeiller sa jeune compagne jusqu'au lever du soleil. L'alouette, qui chantait en montant vers les cieux, lui semblait être la voix de son cœur rendant grâce à la Providence. Le givre, qui brillait au buisson décharné, lui semblait la blancheur des fleurs d'avril précédant l'apparition des feuilles. tout était riant et serein pour lui dans la nature. Le petit Pierre avait tant ri et tant sauté la veille qu'il ne vint pas l'aider à conduire ses bœufs. Mais Germain était content d'être seul. Il se mit à genoux dans le sillon qu'il allait refendre et fit la prière du matin avec une effusion si grande que deux larmes coulèrent sur ses joues encore humides de sueur. On entendait au loin les chants des jeunes garçons des paroisses voisines qui partaient pour retourner chez eux et qui redisaient d'une voix un peu enrouée les refrains joyeux de la veille. Fin du chapitre 4 de L'Appendice. Fin de La Mare au Diable de George Sand. Enregistré en Belgique de janvier à mai 2008. Cet enregistrement fait partie du domaine public.